À cette intersection, je suis obligé de tourner à gauche dans une rue qui est à sens unique. J'entre aussi dans une zone 30. À l'intérieur de ces zones, les vélos peuvent parfois circuler dans les deux sens, même lorsque les rues sont à sens unique. Dans cette situation, je peux donc rencontrer des cyclistes venant des deux côtés. Il est normal de faciliter les déplacements de ceux qui utilisent leur énergie musculaire. Réponse B, C et D.